parlons plutôt de rien, parlons plutôt de rien. La vie ne sert à rien, parlons plutôt de rien, parlons plutôt de rien, parlons plutôt de rien. Le vide fait du bien, parlons plutôt de rien. Sur les plages en été, sous les reflets doucement enivrés, on y croyait. Mais la mer est montée, nous a noyés sous des cieux délavés sur le pavé. De rien, parlons plutôt de rien. Les cris ne servent à rien, parlons plutôt de rien, parlons plutôt de rien, parlons plutôt de rien. Envie en faire en vain, parlons plutôt de rien. Oublions les mots qui tranchent et les phrases qui penchent. Faisons taire ce qui dérange et laissons faire les anges. Le vent dans les cailloux, le roi, la loi, la foi, le fou. La foi sur les genoux, bijou chou, bisou pou. Parlons plutôt de rien. La vie ne sert à rien, parlons plutôt de rien, parlons plutôt de rien, parlons plutôt de rien. Envie envers en vain, parlons plutôt de rien.